Ok, ok, yeah, c'est Sonny le philosophe. 2008, en attendant que le soleil se lève. Oh. Ça fait. Habitué à croire que la vie est dure, alors on doute, nos rêves sont cachés sous un abri de bus. Mis de côté depuis le berceau, le rap lui m'a bercé. C'est normal que j'insiste sur mes propos, écriture toujours aussi propre. En 3 ans seulement, avoue que j'ai fait mes preuves, mon pote. C'est blessant quand on nous montre du doigt. Je remarque ma pède a créé une gomme, même effaçant nos droits. C'est marquant comme l'assassinat de X Malcolm par un frère musulman. J'aimerais qu'on me raconte la vraie mort de Coluche, accident de moto en période électorale. Non, je n'y crois pas. Comme il a si bien dit, il arrêtera de faire de la politique quand la politique arrêtera de faire rire. Moi, j'arrêterai de faire du rap le jour où le rap arrêtera tout simplement de me donner de l'inspiration. C'est un simple discours pour les frères, les sœurs venant ou pas des Tours, Marseille ou des alentours. C'est un simple discours, c'est un simple discours pour les frères, les sœurs venant ou pas des Tours, Marseille ou des alentours. C'est un simple discours. Désolé d'avouer la vérité aux yeux du monde. Enfin, en ce moment, aux oreilles de mes auditeurs, mon heure arrive, une heure de gloire ou de deuil. Je sais pas, mais ça approche, c'est tout ce que je peux te dire. Je le sens au bout de mes orifices. Une odeur de nouveauté qui fuse, pas comme la merde qui sent le déjà vu. Vu qu'elle héberge devant mes pieds. Le pire c'est que malgré tout, c'est pas sûr que je lui échappe un jour. Mais je te jure de tout donner, de Dieu prouver qu'on peut tous y arriver. Oui, c'est la parole d'un jeune dévoué à réussir sans ruse, avec des principes et de la persévérance. Je te jure de tout donner, de Dieu prouver qu'on peut tous y arriver. Oui, c'est la parole d'un jeune dévoué à réussir sans ruse, avec des principes et de la persévérance. C'est un simple discours pour les frères, les sœurs venant ou pas des Tours, Marseille ou des alentours. C'est un simple discours, c'est un simple discours pour les frères, les sœurs venant ou pas des Tours, Marseille ou des alentours. C'est un simple discours, c'est un simple discours pour les frères, les sœurs venant ou pas des Tours, Marseille ou des alentours. C'est un simple discours, c'est un simple discours pour les frères, les sœurs venant ou pas des Tours, Marseille ou des alentours. C'est un simple discours.